sa chissée. Et si je serai mort, il sera de nos histoires. Et je reste pas plus de chemin de moi. Et puis j'ai des enfants, des arts, des amis. Il serait grand de se ne vous dire ça. Old school.